Vous êtes toujours à l'antenne des Matins éphémères, 7h44, et c'est en compagnie de Valérie Levé qu'on poursuit cette édition du mercredi 29 avril. Oui, j'allais dire 28, mais non, c'est une journée après l'autre, hein, ça passe vite. Valérie Levé qui est journaliste scientifique et aussi animatrice de l'émission Futur Simple, qui est en pause aussi présentement. Alors ce matin, on va parler de déconfinement, c'est dans l'air, on en parle avec Valérie, puis du R0 aussi, ça va de pair. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. Alors le déconfinement, on le voit, là, on le sent, comme je disais, c'est dans l'air, ça approche, mais on sait par contre que le coronavirus, lui, il est encore présent, il rôde toujours. Alors, il faudra surveiller son retour. Monsieur Arruda en a bien parlé aussi hier. Et puis un moyen de suivre justement l'expansion de l'épidémie, c'est le fameux R0. Ça nous donne une bonne indication, je pense, et puis tu pourras nous l'expliquer, là, mais ça donne une indication en tout cas de l'épidémie, même si c'est pas parfait. Oui, c'est ça. Alors, pour rappel, le R0, on l'a déjà dit, mais c'est toujours bon de rappeler, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée va infecter à son tour. Donc, si le R0 est plus grand que 1, une personne infectée va transmettre le virus à plusieurs personnes et l'épidémie se répand. Et en calculant le nombre de personnes infectées, on peut anticiper s'il y a assez de lits disponibles dans les hôpitaux. Donc c'est important de suivre le R0. Et puis si le R0 est inférieur à 1, on est content parce que ça veut dire que l'épidémie ralentit. Mais comme le R0 dépend du nombre de contacts entre individus, les mesures de distanciation physique ont pour objectif de faire baisser le R0 jusqu'à avoir un R0 inférieur à 1. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on se dit les mesures de confinement portent fruit. Ouais. Puis, c'est ce qu'on voit là présentement, grosso modo. Et au début de la pandémie, les premières études chinoises donnaient un R0 de l'ordre de 3,4. Et alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Eh bien, c'est là, Caroline, que tu m'as indiqué cet article de Philippe Mercure qui est paru dans la presse peut-être vendredi dernier. Oui, parce que dans cet article-là, justement, je disais, ça peut être intéressant pour Valérie, puis elle pourra nous l'expliquer. Mais en tout cas, dans l'article, on peut lire que le R0 au Québec là, se rapproche de 1. Donc, ça voudrait dire, si je comprends bien, là, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, là. Ben oui, on est sur la bonne voie. Alors effectivement, je vais résumer l'article de Philippe Mercure, qui lui-même est un résumé d'une étude scientifique néo-zélandaise. Oui. Donc ces chercheurs en Nouvelle-Zélande, ils ont calculé les R0 pour une dizaine de territoires, et le Québec fait partie de ces territoires, donc on est bien chanceux. Oui, bon, ils ont choisi. Donc aussi les New York, différents pays européens. Et selon leurs calculs, le R0 au Québec, au début de l'épidémie, était de 5,4, ce qui fait un peu, une exception parce que pour les autres pays, il avoisine 3, donc un peu comme ce que la Chine avait calculé. Et comme tu le dis, Caroline, le R0 du Québec, à la fin de leur étude, est de 1,1. Donc, à la fin de leur étude, ça veut pas forcément dire maintenant. Non. Donc, c'est il fait. Est de 1,1. Donc, on se rapproche de 1, mais on n'est pas passé encore en dessous du 1. Et pour les autres pays, il est passé en dessous du 1. Ouais. Alors, qu'est-ce qui explique toutes ces différences, Valérie? Est-ce qu'on arrive à les expliquer? Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées dans l'article scientifique et dans l'article de Philippe Mercure. Et une de ces hypothèses, c'est la fameuse période de relâche qui aurait pu amplifier la contagion au début de l'épidémie. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de très haut, finalement, de 5,4. Ouais. Et qu'on est redescendu ensuite à 1,1. Mais ce qui est aussi dit dans l'article, c'est qu'il faut prendre ces calculs avec des pincettes. Tout d'abord, l'article scientifique n'a pas encore été révisé par les pairs. Donc, pairs, P-A-I-R, là, les collègues. Par les autres collègues scientifiques. Voilà, exactement. Donc, normalement, pour être publié un article scientifique, il doit être lu et approuvé par d'autres scientifiques du même domaine de recherche qui vont vérifier que l'étude est bien menée. Mais dans le cas de la COVID-19, on veut accélérer le partage des connaissances. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui sont pré-publiées avant le processus de révision. Bon, ça n'empêche pas que l'article aura quand même un processus de révision et qu'il sera publié en bonne et due forme, mais là, au moment où il est pré-publié, il n'y a pas encore eu ce travail. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a des corrections qui vont être nécessaires, qu'il y a peut-être quelques bémols, qu'il y a peut-être quelques imperfections quant au calcul. On n'est pas sûr. Mmh. Ensuite, le R0, il est calculé à partir du nombre de cas de COVID-19 et de décès. Puis ben ça, on en a entendu parler, le nombre de cas de COVID, ça dépend des stratégies de dépistage, de combien de tests sont disponibles dans la population, et chaque pays n'applique pas la même stratégie. Et puis, chaque pays ne comptabilise pas non plus les décès de la même façon. Ouais. Donc, ça, forcément, si on part de nombre de cas de COVID qui ne sont pas calculés pareil d'un pays à l'autre, bah, on arrive peut-être à des, on a des calculs différents et donc c'est difficile de comparer le R0 d'un pays à un autre sur cette base-là. Ouais. Et les auteurs sont conscients de leur étude, hein, ils l'écrivent, sont conscients de cette étude, de cette limite, et ils en discutent eux-mêmes dans leur article. Ouais. Ben, ils sont sûrement pas les seuls de toute façon à faire des calculs de R0, là. Est-ce que, on est en pleine pandémie, là? J'imagine qu'il y a d'autres études qui pourraient corroborer ces chiffres, parce qu'on doit faire plein d'études, comme on fait plein de recherches. Ben oui, il y a plein d'études sur le R0, puis même les autorités de santé publique font aussi des études dans les pays. J'entendais hier aux nouvelles françaises qui traitaient de l'Allemagne, qui disaient qu'ils avaient un R0 de 0,6 au moment du déconfinement, puis que ce R0 était remonté à 1, donc c'est il craignait un petit peu... Ouais, que la courbe remonte. Voilà, exactement. Donc oui, il y a des études sur le R0. En faisant une recherche rapide de la littérature scientifique sur la COVID-19, j'en ai vu pas mal. Mais évidemment, j'ai pas forcément les moyens d'en faire le tour et de les comparer. Je suis quand même pas du domaine et ça prendrait vraiment longtemps. Mais il y a quand même une étude qui a retenu mon attention parce qu'elle fait une relation entre le R0 et le climat. Intéressant. Ouais, on s'en va vers l'été, là. Ça m'a un peu interpellée. Donc ça, c'est une étude chinoise et qui, elle non plus, n'a pas été révisée par les pairs. Dans cette étude, les chercheurs ont calculé le R0 dans 100 villes chinoises. Parce que, bon, la COVID n'a pas été seulement à Wuhan, hein, ça s'est dispersé dans d'autres villes. Quand même. Donc ils ont calculé le R0 dans 100 villes chinoises. Et ils obtiennent des R0 compris entre 1 et 4. Ensuite, ils ont croisé les R0 de ces 100 villes avec la température et le taux d'humidité qui règnent dans ces 100 villes et ils ont observé une certaine corrélation. Mmh. Alors, oui, c'est intéressant. Alors, oui, et en gros, quand la température et l'humidité augmentent, le R0 diminue. Donc, le virus se répand plus quand il fait froid et sec que quand il fait chaud et humide. Ah. Un peu comme la grippe, finalement. Oui, ben finalement, c'est ça que j'allais dire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que le virus va être moins actif et donc moins contagieux cet été? Ben, c'est l'hypothèse que font les auteurs de l'étude. Oui. Ouais. Donc, ils ont même été plus loin en faisant le calcul inverse. Parce que là, ils ont pris le R0 et ils ont regardé les conditions météo. Mais on peut, en faisant le calcul inverse, en regardant les conditions météo, donc la température, l'humidité, calculer le R0, en déduire le R0, en faisant la corrélation inverse. Donc, ils ont regardé les températures et l'humidité un peu partout sur la planète. Ils en ont déduit le R0 qu'il y avait en mars et qu'il y aura en juillet. Et ils ont établi des cartes mondiales du R0. OK. Ouais. On n'a pas un long été, nous, au Québec. Pardon? Non, je dis nous, au Québec, l'été n'est pas très long, là, mais enfin, on verra. En juillet, l'été sera là, normalement. Oui, oui, quand même. Donc, sur la carte de mars, on voit que le R0 est supérieur à 2 dans toute l'hémisphère nord et aussi dans l'extrême sud de l'hémisphère sud. Ah, oui. Donc, par exemple, en Patagonie, puis en Afrique du Sud, ouais, par exemple. Et d'après les auteurs, ça correspond à l'expansion de l'épidémie qu'on a observée en mars, donc c'est-à-dire en Europe, en Amérique du Nord, et puis en Afrique du Sud, on sait qu'il y a eu des cas aussi. Et sur la carte de juillet, le R0 diminue dans l'hémisphère nord, sauf pour l'ouest des États-Unis, je ne sais pas pourquoi, et il augmente dans l'hémisphère sud. Donc, d'après eux, dans l'hémisphère nord, le virus se propagerait moins cet été. On se croise les doigts, mais c'est pas scientifique. J'imagine qu'il faut. Croise les doigts, non. la morale de cette histoire, faudrait prendre ces résultats avec des pincettes. Je pose la question, oui. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut quand même regarder, faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Tout d'abord, quand on regarde la carte de mars, donc leur carte du R0 en mars. Le Brésil donne un R0 de 1, or on sait que le Brésil est très bien touché par l'épidémie, ouais. Donc il y a une incohérence là. Et puis surtout, la corrélation entre la météo et le R0 est quand même assez faible. Les auteurs en sont bien conscients et ils écrivent que les variables météo ne suffisent pas à expliquer la variation des R0 mesurés dans les 100 villes chinoises. Donc, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, comme par exemple la densité de la population dans une ville et donc la probabilité de croiser des gens et de transmettre le virus. Donc, ouais. Ça donne peut-être une indication, c'est peut-être curieux cette corrélation, mais... Il faut quand même pas prendre ça pour acquis. Oui, oui. Et tout ça, ça nous ramène aux mesures, de fameuses mesures de distanciation physique et aux gestes barrières là, qu'on commence à être habitué. Oui, ça fait partie de notre vocabulaire. Oui. Ouais. Et pour continuer sur la valeur toute relative du R0, je voudrais finir avec une étude qui est menée en partie par des chercheurs de l'Université Laval. Donc, eux, ils rappellent que le R0, il a été défini dans les années 1930 par Kermack et McKendrick. Et ces deux chercheurs ont établi une équation pour calculer le R0, mais pour ce calcul, ils ont simplifié le système. Donc, le système, c'est ce qu'on appelle le système, c'est toutes les personnes, c'est la population dans laquelle se promène le virus. Ouais. Donc, il y a 5 conditions pour pouvoir appliquer ce calcul. Par exemple, il faut que la population soit fermée, donc pas de contact avec l'extérieur par lesquels pourraient arriver de nouveaux cas. Et toutes les personnes présentent la même sensibilité à la maladie. Puis ça, c'est quand même une grosse simplification loin de la réalité. Hein? Oui, ouais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes prédispositions génétiques. Ben, exactement. Puis même, il y en a qui ont des symptômes, il y en a qui en ont peut-être moins, il y en a qui vont tousser davantage, qui ne vont pas le transmettre pareil, on ne sait pas. Donc, il y a dans la population des personnes qu'on appelle super contagieuses. Alors, pas parce qu'elles toussent davantage, mais parce qu'elles ont été en contact avec beaucoup de personnes. Donc, typiquement, dans une salle de spectacle ou dans une église. Puis, on a vu qu'il y a des événements comme ça qu'en France, provoqué l'épidémie. Là, c'est une rencontre religieuse dans l'est de la France. Et après, tout le monde est allé rentrer chez soi et a répandu le virus partout. C'est arrivé quelques fois, ça, dans le monde. Oui, on l'a vu quelques fois. On l'a vu en Corée du Sud aussi, je crois. On a vu ce genre de choses. Donc, les auteurs ont calculé la proportion de la population qui pourrait être infectée en tenant compte de ce genre d'événements. Donc, et aussi en prenant l'équation classique du R0 de Kermack et McKendrick. Donc, ils ont fait ce calcul pour la COVID-19, mais aussi pour la variole, pour le SRAS et la grippe. Et ils ont trouvé que l'équation classique de Kermack et McKendrick donnait une surestimation du nombre de personnes infectées. Oui. C'est pas tout à fait... Ça surestime, surtout quand ils ont aussi... en fait, ils ont comparé donc le R0... Ben, ils avaient le R0 selon leur méthode en tenant compte de ces genres de super événements de contagion. Et la méthode classique avec Kermack et McKendrick, et ils avaient aussi les cas réels observés. Mm-hmm. Et en fait, leur méthode à eux était beaucoup plus proche du cas réel que l'équation classique de McKendrick. Donc, ils invitent à regarder au-delà du R0 et insistent sur l'importance de retracer les personnes contacts. Parce que quand il y a ces fameux événements où on rencontre plein de gens, il y a beaucoup de personnes contact. Ouais. Ils insistent sur l'importance de retracer les personnes contact. Donc, en conclusion, si je comprends bien, on n'est pas prêt de se retrouver dans une salle de spectacle bientôt, d'où l'idée qu'on n'a pas de festival d'été, aucun festival cet été, malgré peu importe tous les R0, là, il n'y aura pas de spectacle et de festival cet été. On comprend intuitivement les statistiques pour des calculs pour le vérifier, le valider, mais je pense qu'intuitivement, on le comprend aussi. Ah oui, tout à fait. Valérie. C'était très clair encore une fois. Merci beaucoup pour ces précisions, bien que plus on avance dans la science et dans la recherche, plus on se pose des questions aussi. C'est fascinant. C'est ça, la science. Oui, merci beaucoup. Il y a toujours à découvrir. C'est très agréable, puis en même temps, on se dit, ouais, bon, une réponse vite fait, là, on en veut une, mais bon, c'est pas pour demain. Allez, hop, je te souhaite une bonne semaine. On se reparle vendredi.